et 3, mettre compte jusqu'à 3, 4 et 5 et 6, dans ta calculatrice, 7 et 8 et 9, dans tout croquer les mains, 10 et 11 et 12, sur le chiffre c'est la 12. Allez bien danser avec les nombres. Allez bien valser, compte plus vite que ton nombre. Un pas à gauche, un pas à droite, 7 horizontales. Ajoute 9 croches, 6, tu trouves 3, c'est fatal. 1 et 2 et 3, tu comptes jusqu'à 3, aïe aïe aïe. 4 et 5 et 6, sans ta calculatrice. 6 et 8 et 9, ça fait swinguer les meufs. 10 et 11 et 12, sans les chiffres, c'est les 12. C'est la danse du 9 qu'a invité ses copains. Rentre dans la teuf, jusqu'au petit matin. Comme le tournis, tu vomis dans un coin. Au bout de la vie, viens chanter ce refrain. 1, 2, 3, on sert un verre et tu bois. 4, 5 et 6, un septième et tu pisses. 7 et 8 et 9, ça fait criser les caisses. 11 et 12, et ce soir c'est la 12. Bordel, c'est la place. Il compte dès le matin. Bordel, te fait classe. Il te prête par la main. Tu découvres les chiffres. Leur univers coquin. Un ou deux verres de pipe. Et tu chantes ce refrain. Et un, et deux, et trois. Serre un verre et puis bois. 4 et 5 et 6. N'oublie pas les pastis. Et 7 et 8 et 9. Ça fait criser les coffres. Et 10 et 11 et 12. Oh, ce soir, c'est la loose. Et 1 et 2 et 3. Et 4 et 5 et 6. Et 4 et 5 et 6. Et 1 et 2 et 3. Apprenez à compter avec Bordas.